l'économie de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Aristide Bruand. Aristide Bruand dans son cabaret, une écharpe rouge, le feutre noir, la grande cape noire également. On l'a bien en tête, c'est Aristide Bruand, grâce à Toulouse-Lautrec. Aristide Bruand et Paris, Paris, affreux désert d'égoïsme, pour qui n'a rien, pour qui n'est rien. Aristide Bruand, qui avait publié Les Bas-fonds de Paris, adapté au début des années 80 sur France Culture, et dont voici le premier épisode. À la vaisseau, sa toque de martre, sur la butte Montmartre. Un petit air innocent, on l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stine. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, premier épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et dans les principaux rôles, Douchka, Roger Mollien, Daniel Vol, Dominique Paturel, Florence Blot, Jean-Jacques Stine, René Renaud. Réalisation Claude Roland-Manuel. Ses cheveux roux, le génie de la Bastille lui fait les yeux doux. Et quand elle se promène au bout de l'arsenal, tout le quartier s'amène au coin du canal. Tous en cœur, nom de Dieu! Entrez, entrez. Bonsoir, monsieur de l'Excelsior. Vos gueules, tas de salauds. De la différence. Monsieur appartient à la grande presse. Toi, le petit bouffi, cale-toi entre les deux bergères. Serrez-vous un peu, vous ne serez jamais que 15 sur le banc. La place du patron, monsieur de l'Excelsior. Ah, vous êtes toujours la grande forme, monsieur Aristide Bruand. Il en faut pour affronter cette bande de soifards. Maxime, le général veut se tirer. Est-ce qu'il a payé? Quelle bonne soirée j'ai passé à vous entendre. Vous pouvez vous vanter d'être le seul qui m'ait jusqu'à présent traité de vieux con en face. À votre service, mon général. Bonsoir. Et je ne suis même pas anti-militariste, monsieur de l'Excelsior. C'est même l'armée qui me valut mon premier triomphe. Dès la première semaine de mon service militaire, j'ai composé la marche du 113e de ligne, mon régiment. J'y ai gagné l'exemption des corvées. Marius, pianiste de mon cœur, en avant pour le 113e de ligne. Oh, Au pays des anguilles, y'avait un régiment qui courtisait les filles avec acharnement. Aussi toutes les cocottes de la ville de Melun, en voyant nos capotes, chantaient un air malin. Le 113e qui passe, bon Dieu, quel régiment! Faut que ça pète ou ça casse quand il marche en avant. Le 113e qui passe, bon Dieu, quel régiment! Faut que ça pète ou que ça casse quand il marche en avant. Braillard François. Une trouvaille, hein, d'engueuler vos clients. Les snobs aiment à s'en canailler. Le peuple des faubourgs, lui, comprend mes couplets et les acclame d'instinct. Non, je ne voulais pas dire que votre succès dépend uniquement de votre verdeur de langage. François Copé vous a rendu justice lorsqu'il vous a parrainé à la Société des auteurs. Aristide Bruand cherche son inspiration dans le ruisseau. Mais il y voit aussi briller un reflet d'étoile, la douce pitié. Ses accents sincères jusqu'au cynisme, mais empreints de tendresse, on ne les avait pas entendus depuis François Villon, dont ils viennent en ligne directe et légitime. Toutes les époques ont leur tare, et Dieu merci, il se trouve toujours un poète pour les dénoncer. Mais par moments, il me prend des envies de passer la main et de me retirer à Courtenay, dans le gratinet. Vous, un vieux Parisien de Montmartre? Bon, légende, mon vieux, je suis un provincial comme la plupart des Parisiens, natif de Courtenay. Lorsque je me suis mis dans mes meubles à l'enseigne du Mirliton, ici même, au 84 boulevard de Rochechouart, dans l'ancien logis du Chat Noir de Rodolphe Salis, en 1885, oh, 13 ans déjà, j'ai pris le contre-pied de Salis. Moi, je traite mes clients de gros cochons. J'accueille l'armée, je trinque avec l'académie, je malmène les mufles, je qualifie des imbéciles, j'apostrophe les puissants du jour, je traite les grands ducs de cosaques et je tutoie les rois. À la face de ces jouisseurs insouciants, je crie l'effroyable détresse des condamnés par leur naissance à la misère, à l'abjection et souvent à l'infamie, victimes de lois mal faites ou mal appliquées et des iniquités sociales. Toute société a les bas-fonds qu'elle mérite. D'où votre roman « Les bas-fonds de Paris ». J'en connais encore les principaux protagonistes, telle cette innocente rose blanche de la rue Saint-Vincent, que de roses fanées à l'orée de leur jeunesse, à l'instar de cette petite Valentine Clément qui m'inspira l'idée et le point de départ de mon ouvrage. Je la revois à cette même table où nous sommes, à la place même que vous occupez, le soir du réveillon de Noël de 86. Déjà la même ambiance signée Aristide Bruand. Entrez, entrez, v'là de la grenouille de choix. Ces messieurs suivent à pied. Ce sont sûrement des macros ou des ambassadeurs. Maxime, le greluchon et sa nourrice veulent se tirer. Les clients sont des cochons, la farine en don, la farine en don. Tous les choses qui s'en vont, la farine en don, la farine en don. Et en voilà une bousculade, dégagez la porte. Qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? Serait-ce le réveillon qui vous met dans cet état? Date de fin de siècle. Ça tombe pile, j'ai un monologue à votre intention. Ils sont comme ça, des tas de crevés, des outils, des fiottes, des jaquettes, des malfoutus, des énervés, montés sur des flûtes en cliquettes. Ils tous, ils crachent, ils font du foin, ils éternuent. Dieu vous bénisse, mince que vous en avez besoin. Allez donc dire qu'on vous finisse. Et dire qu'ils songent à faire du plat. Quand on les voit avec un linge, on se dit, sûr que cette gonzesse-là, si à pont, elle va faire un singe. Tas de saligots, tas d'abrutis, bon à rien, grossier de pain d'épices. Avant de songer à faire les petits, allez nous dire qu'on vous finisse. Et ils applaudissent. Plus on les engueule et plus ils en demandent. Allez, buvez, buvez. Ouais, c'est ce qu'on fait. Et toi, la petite, n'aie pas peur, avance. Oh, oh la Seigneur, c'est Billette. Oh, la Seigneur, qui est là. Oh, la Seigneur, c'est Billette. Oh, la Seigneur, qui est là. Puisque tu as montré ton museau, viens t'asseoir. La voilà, monsieur de l'Excelsior. Elle était là, la petite Valentine Clément. Elle tranchait dans cette assistance tapageuse. Visiblement, elle se retrouvait dans mon cabaret comme dans un refuge. La pauvre égarée révélait le triste secret d'une grossesse avancée. Une fille mère. Nos regards se croisèrent. Un mélange de honte et de pureté. Pas du tout le genre à fréquenter le boulevard Rochechouart. J'allais, par son entremise involontaire, connaître une histoire sordide, au personnage effroyable ou sublime. Maxime, sers-lui un boc ou un vin chaud à la petite, sans pourboire et sur mon compte. Qu'est-ce que c'est ça? Les cognes. Il ne manquait plus qu'eux. Écartez-vous. Et là, messieurs de la Rousse. Un peu de respect pour ma clientèle. Mais excusez, monsieur Bruyant, mais il y a des clients à nous qui ont dû se faufiler chez vous. Une rafle. Drôle d'occupation pour meubler votre réveillon. Tenez, en voilà une, là-bas. Non, ça m'étonnerait, c'est une amie. Vous dites toujours ça, monsieur Bruyant. Elle est enceinte, vos gibiers. Vous cavalez après la petite ouvrière, bravo. Elles sont moins dangereuses que les marlots. On connaît leurs chansons. Elles sortent toutes d'un atelier honnête. Pour une que vous agrafez, vous indisposez 10 de mes clients. Ouais. Et 12 coups de minuit. Minuit, crétin. Minuit, c'est l'heure solennelle. Il va descendre, l'homme-dieu. Dans les lointains, la cloche appelle. Les vagabonds, sans feu ni lieu. Ils s'en vont sous l'immense voûte. Ils avancent, le ventre creux. Et les durs cailloux de la route font saigner leurs pieds douloureux. Marchez les gueux, suivez les mages qui s'en vont les yeux dans le ciel. À Jésus, portez leurs hommages. Noël, il mourra sur la croix. Pour vous faire asseoir à sa table avec les princes et les rois. Marchez vers les tables, marchez avec eux, marchez les gueux. Maxime, mets-leur quand même un boc. Nous, monsieur Bruyant, on fait que son devoir. Hein. Je sais, tout le monde le fait. Mais faites le vôtre sur le trottoir, mais pas chez moi. Vous êtes le célèbre Aristide Bruyant. Merci, monsieur. Tu ignorais vraiment où tu entrais? Je vous jure. Sans quoi, je n'aurais jamais osé. Il courait après tout le monde. Je n'ai rien fait de mal. Je travaille rue des Martyrs. J'exécute de petites peintures sur satin pour les boîtes de Nouvel An. J'ai déjà une semaine de loyer en retard. J'ai passé la nuit dernière et cette journée jusqu'à maintenant afin de finir une commande pour demain soir. Je n'en peux plus. Je suis saoule de fatigue et de sommeil. Je rentrerai chez moi pour dormir 3 ou 4 heures. Sinon, je ne tiendrai pas. Mon Dieu, Paris me fait peur. Et regarde, petite, regarde celle qui arrive. Ça, c'est du broulinge. 4 étoiles. Paris ne lui fait pas peur, elle. Il est à ses pieds. C'est la célèbre Suzanne d'Amour, la reine des folies bergères. Bouge pas, petite. Bonsoir, beauté. Quel honneur pour mon humble cabaret. Bonsoir, mon cher Aristide. Bonsoir, mon cher Bruant. Comte le charmeux. C'est à toi, cette batte de gonzesse-là. Eh ben, tu dois pas t'embêter toutes les nuits. Mon Dieu, je n'ai pas à me plaindre. Et mince, ce que tu dois être cocu. Ouais. Allez, poussez un peu vos fesses, que la déesse puisse poser les siennes. Et voilà une bonne table, juste à côté de mademoiselle. Roger, toi, Valentine. Non, la connaîtriez-vous par hasard? Mes compliments, charmant, tout à fait charmant. On fait la petite ouvrière maintenant. Merde, voilà la petite dans les pommes. Finissez cette plaisanterie, Suzanne. On nous regarde. Oh, mais non, scélérat. On ne s'occupe que de votre victime. Maxime, porte-la chez le pharmacien à côté. Encore une qui ne mange pas à sa faim. J'espère que dans son état, cela n'aura pas de graves conséquences. Tiens, tu lui refiles un louis dans la poche. Tas de soifards, tas de cochons, la fête continue. La chanson du fumier des villes et du bétail humain. À toi, maestro. Sultan. Nous sommes les purs rotins de la grande ville. Les marlous et les putains, nous sommes des mille. Nous naissons, nous vivons, nous tombons, nous crevons. On t'insulta, nous crevons, sulta. On t'insulta, nous crevons, sulta. Nous errons sans feu ni lieu dans la capitale. Et nous couchons sur un pied quand on nous emballe. Nous naissons, nous vivons, nous tombons, nous crevons. On t'insulta, nous crevons, sulta. On t'insulta, nous crevons, sulta. On nous trouve sous les ponts, aussi dans les bouges, en tas avec les fripons et les surins rouges. Nous naissons, nous vivons, nous tombons, nous crevons. En tas, sur le tas, nous crevons, sur le tas. En tas, sur le tas, nous crevons, sur le tas. Tout nus nous sommes venus comme vers de terre. Nous sommes encore tout nus quand on nous enterre. Nous naissons, nous vivons, nous tombons, nous crevons. En t'insulta, nous crevons, sulta. En t'insulta, nous crevons, sulta. Inquiet. Nous surveille, nous écoute. Oh, quelle idée de nous avoir amené ici. Mais qui nous écoute? Ce jeune type, aux allures de Rasta. Tout en ayant l'air de caqueter avec les danseuses en rupture de l'Élysée Montmartre, il ne nous quitte pas de l'œil. Oh, ça, mais c'est Ragdan. Pour vous servir, madame. Ainsi que monsieur le comte Alocos. Vous me connaissez? C'est trop fort. Qui ne connaît pas Suzanne d'Amour et son chevalier servant, le comte Roger de Charmeuse. Dis donc, Ragdal, tu payes un godet? Ouais, paie dans le mien, t'auras droit à un sourire. À vous revoir, mes amours. Hé, joli gosse, payez-moi dans un fiac un mot directement, 85. Dans ce personnage, sûr de lui, résolu, souverainement déplaisant. Tu le vois bien, un type qui ne paie rien de rien au grand jamais. Le contraire de toi. De là son surnom, Ragdal. Oh, à cette heure, il va écrémer les claques. On ne sait d'où il vient ni ce qu'il fait. À part ça, on le dit capable de tout. N'empêche que beaucoup de femmes le gobent. Oh, pas moi, non. Souper des béguins. Mesdames et tas de cochons, il y en a marre de vos fioles. C'est l'heure, on ferme. Maxime, sortez les volets et rentrez la terrasse. Et foutez les clients à la porte, un grand coup de botte dans le cul, nom de Dieu. pas son abonné. Ne vous inquiétez pas pour les pourboires. Maxime se les taille lui-même sur mesure. Je vous remercie bougrement, tas de salauds. Et à demain. C'est la formule de la maison. Grouillez-vous, on m'attend moi aussi pour réveiller. Roger, pourquoi n'allez-vous pas chercher la voiture? Oh, est-ce que nous allons coucher ici? Auriez-vous peur que votre dulcinée ne ressurgisse? Oh, il s'agit bien d'elle. Mais vous voyez bien que notre voiture a du mal à s'approcher. Ah, tenez, la voilà. Ah, tout de même. Jean, rue du Parc Monceau, nous rentrons. Roger. Une ombre, une forme humaine se détacha de la muraille avec un cri sourd, un appel, une plainte ou un sanglot. Trop tard. Le coupé, capitonné de satin clair, repartait au grand trot des magnifiques steppers ferrés à glace qui piaffaient d'impatience. Roger, Marie, ne me laisse pas. Marie. Et, l'âme en peine, Valentine resta là, à la rue, sous la neige. Seul, dans Paris endormi et glacé. Paris, affreux désert d'égoïsme, pour qui n'est rien, n'a rien. Tout retomba dans la nuit noire de décembre. Fini le réveillon, pleurer misère. Tout à l'heure et demain et toujours, ce sera encore Noël. Pour les riches. Marie. Roger. Il est marié. Et Valentine s'en alla, soutenant la lourdeur de son ventre, l'esprit perdu, tête basse, les épaules comme rétrécies. T'es dans la rue? Va, t'es chez toi. À gauche, à droite, bas, ça fait rien. Oui, pierre qui roule amasse pas mousse. T'es dans la rue. Va, t'es chez toi. La chaussée de Clignancourt, escaladant la raideur de pente neigeuse, plongeait vers des enfers grouillants et enfumés, pleins de désespérance. Valentine atteignait enfin son taudis. Un sordide hôtel garni, avec au rez-de-chaussée un effroyable mastroquet, tenu par une non moins effroyable mégère. Cet assommoir s'appelait, sombre ironie, Hôtel des Anges. Des anges sûrs qu'on en avait envoyés au ciel, dans les plombs ou au gog. Par fournées entières et par les moyens les plus expéditifs. Tiens, voilà la bichette du second. Salut, la môme rebondie. Laissez-moi, ne me touchez pas, j'en peux plus. De quoi on fait des magnes? Ça va finir par tomber la semaine. Je voulais payer. La semaine d'avant, mais la semaine à venir. Ici, on paie toujours d'avance. Je t'ai payé demain. Accordez-moi jusqu'à demain. À demain ou à la cinglingue. C'était que vous avez réfléchi. J'étais un peu sage-femme dans mon temps. Sais-y faire. Et après, Dieu merci, c'est pas les michets qui manquent. Mais taisez-vous, laissez-moi passer. Oh, c'est-tu pas une honte de battre la purée à votre âge et avec votre frimousse? De la galette, vous pouvez en faire gros comme vous, ma petite chatte. Oh, tu me fatigues avec tes chialeries. Eh, fais comme les autres, grosses bêtes. Tu t'en trouveras bien. Laisse-toi faire. Faites le premier pas qui coûte. Ça fait sa mijaurée avec son polichinelle dans le tiroir. Il est pas venu tout seul, hein? Eh, ne me bouscule pas comme ça! Un peu de respect! Le vent souffle dans les lointains. Il apporte, avec le tourment, les clameurs, les cris incertains d'un peuple entier qui se lamente. C'est décembre. Et dans les journaux, on raconte des faits étranges que commentent les tribunaux. Voilà Noël, il faut des anges. Le vent redouble et l'on entend les cris redoubler dans les antres, officines de charlatans. Les bourreaux charcutent les ventres. Ils amènent les chérubins sanglants et meurtris dans les langes. Ohé, messieurs les carabins, voilà Noël, il faut des anges. Et le vent souffle sur les flots, emportant avec lui les âmes des angelots, dont les sanglots viennent réveiller les infâmes qui les extirpent du Saint-Lieu et les foutent dans les vidanges pour les envoyer au bon Dieu. Voilà Noël, il faut des anges. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Elle n'avait pas connu son père, elle n'avait plus de mère, et depuis 1900, elle demeurait chez sa vieille aïeule. Qu'à s'élever comme ça, toute seule, rue Saint-Vincent. C'était Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Steen, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, premier épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand et Douchka Valentine Clément, Roger Mollien, Roger de Charmeuse, Daniel Vol, Suzanne Damour, Dominique Paturel, Ragdal, Florence Blau, la taulière, Jean-Jacques Steen, le général, René Renaud, le journaliste, et Vera Feder, Pierre Garin, Jean-Carole Larrivée, Ève Lerac, Philippe Janin, Catherine Suzanne, Joël Guigui, Claire Emeriot, Thierry Solé, Yves Fabrice. La rue Saint-Vincent, par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouly. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Chef opérateur du son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland Manuel. Ce premier épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 31 août 1981. à suivre et d'ici là à télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.